ça fait longtemps que je t'attends. Oh Gréco, viens-t'en, viens-t'en. Allez Gréco, cut shoot and miss. Dormait dans son verseau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort, malgré le fret et les barbares. Merci, bonsoir. Que Dieu te blesse, que Dieu te blesse. Qui décide de ce qui est beau? Eh, c'est Dieu, hein? Trois. T'as plus, c'est trois, c'est là. Trois. Ben, je pensais que c'était quatre, moi, là. Je t'ai préparé à quatre. Oui. Ils entrent quatre par quatre en bas, faut du pelon. En bas, fait là, tu me dis quatre. Comment tu dis trois? Trois. Tu dis trois. Trois, le roi des rois. Tu n'es pas un deux de pique. Tu es un joker. Quoique, Joker Falker. Arr, arr, arr. Crois-le, crois-le pas. Quelque part en Alaska, il n'y a plus un fuck sur la banquise. Il n'y a plus de glace. Deux glaces, trois bons. Deux beaux, hein? Deux beaux, deux belles glaces. Il n'y a plus de hockey, deux belles glaces. Voyons, mais ça n'a aucun lien. Les liens ne se font pas à cette émission-là. Depuis quand? À quel moment? Non. Comment tu l'appelles, celui qui fait des recherches? Un archiviste. OK, merci. Demande. Ça va? Ça va très bien, merci. Calme-toi, là. Bon. Ouh, non, mais gringo, ma petite enfant. Oh, gringo. Ouh. C'est dur après ça de revenir, hein? Faut décompresser, là. Excusez-moi, hein? On va faire un peu de zen. Madame Tremblay, Thibodeau, graisseuse, la belle graisseuse à gauche. On va méditer. On va se calmer. Alors, je t'attends. Oh, gringo! Non, calmez-vous. Gringo, wow! Attends. Là, en plus, l'oreillette, OK. Lâche-moi pas, toi, l'oreillette droite. Ouais, que si la droite pourrait me lâcher, ça me ferait du bien. Non, pas maintenant. OK. Toi, petit enfant, oh gling. Arrête-moi ça! Calme-toi, reprends-toi. Tu es l'énergie. Tu es Dieu. Dieu, tais-toi. Ben, il sait-tu, puisque je l'entends plus depuis 20 ans. J'avais 20 ans pour les yeux de Dieu, 20 ans d'amour, j'avais lâché mon rayon, mais il m'a dit « Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Tu n'es pas mon enfant! » Ah, mon, tant mieux, merci. Qu'est-ce qui se passe quand t'es plus son enfant? Toi. Toi, oui. Qui décide de ce qui est beau? Toi. Moi? Quand je regarde une peinture d'un enfant de 2 ans, c'est pas un enfant de 2 ans, c'est moi quand j'avais 22 ans. J'ai évolué rapidement et je redescends. Vous allez voir dans quelques émissions. Écoutez, elle rentre la mienne. OK. Ah oui, c'est belle ta peinture. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Ouais, OK. J'ai fait un soleil. Oui. J'ai fait une maison. Oui, mais c'est une maison. Oui, j'ai fait de l'herbe dans la maison. Mais l'herbe, là, fallait pas la faire dans la maison, mais à côté de la maison. Non, mais c'est mon papa qui met de l'herbe dans la maison. Comment ça? Mais c'est parce qu'il a fait des pistaches. Qu'est-ce qu'il a fait? Des pistaches. Des pistaches? Des pistaches, c'est du mayonnaise. Non, mais il a fait des pistaches avec des chanteurs comme Joe Bobber. Oh, pas Joe Bobber. I don't train to my saint. Oui, il a fait des pistaches avec, comment il s'appelle? Willy Babot. Mais la première, je suis très... Oh, Willy Babot. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est corrompu. C'est comme la construction. L'émission est corrompue. Qui décide de ce qui est beau? La beauté. Oh! La beauté décide de ce qui est beau. La bonté. Ah, la bonté aussi. Gaétan, la bonté, demandez à la perche. Gaétan, la bonté, demandez à la perche. Gaétan, ça va bien, toi? Hey, monsieur, t'as une... Ben oui, t'as mal géré ta sauce. Je t'avais dit, ta sauce, c'est une sauce brune. Mais pour la rendre rouge, faut que tu mettes du ketchup. T'as pas mis de ketchup, toi, hein? Ben non, j'ai écouté. Attends, mon champion, à t'entendre, là. T'as oublié de se casse-top. Puis en plus, là, t'as oublié d'ouvrir ton feu. Ton feu, fallait que tu le mettes à 350. Sur la poêle. Puis la poêle, pas la poêle. La poêle, une poêle. Pas le poêle, une poêle. Une chaudronne. Une casserole. Une casserole. Casserole, casserole. Non, cette casserole-là, là, monsieur, est très important. C'est un endroit qui accueille tout. Ah oui, moi, j'ai accueilli mes enfants dans la casserole à un moment donné. Je dis, allez-y, jouez là-dedans. C'est un parc, c'est une belle casserole. Ben oui. Puis il y a des amis qui sont là-dedans. Ben oui, on va faire le barbecue. Ça va bien, c'est burr. Non, le barbecue. Sur le grill. Allume le grill. Bon. Qui décide du beau? Le gros. Bon, c'est beau, ça, le gros? Bon, c'est beau, ça. Hein? Oh, une belle grosse range de viande. Ça, c'est beau. Sauf que ma femme, elle me dit, « Oh, non, ça, c'est trop gras. Coupe dans le gros. Mon gros, coupe dans le gros. Maigris un peu. C'est pas beau. » Mais qui est-ce qui est beau, le gros ou le gras? C'est le gras qui donne le goût, ma belle. Prends-en, toi, de l'émancipation. Arrête de sniffer ta ligne de chance, toi, là. Ça fait 20 ans que tu sniffes ta ligne de chance. À un moment donné, il faudrait que tu deviennes adulte. Quoique, il y a des adultes qui sniffent leur ligne. Il y a des quartiers qui sniffent leur ligne de chance. Oui. Puis il y a même du peuple. Ouais. Ils s'en passent des affaires. Hein? Moins on en sait, mieux c'est. Mieux c'est, moins on en sait. Qui sait qu'on le sait? Hein? Ça, c'est important de savoir. Qui sait qu'on sait? Ma voisine d'en bas, là, je l'entends, là. C'est du carton ici. Qu'est-ce qui se passe dans sa demeure? Ah, je le sais, moi. À l'heure précise, on l'orgasme à 12h30, là! À 15h! Mais qu'est-ce que c'est? Une nymphomane! Ah non, c'est pas ça du tout. Elle fait du montage de films porno. Pour nous! Parce qu'on a besoin des bénévoles. Ben, pas bénévoles, elle, j'entends crier. C'est pas elle qui crie. C'est son montage de film. OK, le montage crie. Ben, c'est presque ça, là, mais c'est pas ça. C'est parce que, je vais t'expliquer, tu connais pas ça, le cinéma? Ben, oui. Moi, j'aime ça, le Sylvester Stallone. Gangon Ban-Ban. Ban-Ban-Ban avec sa mitraillette. Ouais, tu sens. Puis Columbo qui dit, ma femme m'a préparé deux œufs à la brouille. Je vois qu'il y a un cheveu sur votre plancher, madame. Puis ce plancher-là, là, ça a été criminellement responsable de ce meurtre. Un meurtre crapuleux, qui ne tombera pas entre deux chaises, ni entre deux tables. Hey, j'ai écrit un texte sur entre deux chaises. On peut-tu voir la... Ben, il faudrait passer à la musique. Hey, c'est tellement drôle. C'est moi qui l'ai écrit. Qui ça? Ben, c'est lui, là. Monsieur, vous êtes là? Bon, c'est lui qui l'a écrit. Oui, mais juste à l'entendre, ça doit être pas... Mais c'est très bien! Faites-vous... Moi, ce qui me déçoit là-dedans, c'est que les gens se fient à l'apparence. Là, vous êtes auditivement responsable de ce que vous entendez. C'est un homme très, très simple, ça, là. C'est un petit ami tout à fait respectable qui paye ses impôts, qui mange du caviar, puis qui mange la... Qui mange la quoi? Qui mange... Parce que ça n'a pas fonctionné. Le synthétique, là, quand je dis clic, tu cliques pas, toi. Je t'ai embauché pour ça. Tu mixes. Un mixeur qui mixe pas, c'est pas un mixeur, ça, là. C'est comme une cuisinière qui cuisine pas, là. Comme un frigo qui ne frigir. Il n'y a rien là-dedans. Mais quoi, quand je l'ouvre, il y a quoi? Il y a de l'eau de source. Il y a de l'eau de vie. Il y a de l'eau bénite qui bouille parce que c'est à toi. Ben, c'est important de savoir ça, là. Lorsque je me procure à l'église de l'eau bénite et que je l'amène à la maison, pendant la livraison que j'effectue moi-même parce que je ne veux pas payer une maudite scène, moi, je me suis sur mes plaies. Ouais. Je me blesse souvent, moi. Ben, je m'auto-mutile. Je me la graffine souvent, régulièrement, comme je l'ai dit. Puis pour vérifier si ça cicatrise, là, même le les enfoncer, je sais que... c'est une blague de belge. Je le dirais pas. Ben, j'ai des amis qui sont là-bas, là, puis qui veulent me tuer si j'arrive devant eux. Ils vont dire « Hey, t'as fait une blague sur les Belges, là! » On la connaît, celle-là, là. Connard! Pourquoi le Belge se plante le doigt dans le trou de pète avant de dormir? C'est pour pas que ça cicatrise. On la connaît. Mais quoique, on nous compare souvent aux Belges. Les beaux Belges ou les belles Belges. Êtes-vous une belle Belge, vous? Hey, monsieur, une belle Belge poilue. Vous êtes poilue, vous, hein? Ah, oui, du beau gros poil, là. Du poil qui satisfait, qui réconforte. T'as un gars de même devant toi, là. Tu dis, veux-tu être mon ami puis me suivre avec moi dans les bars? Et puis si je me fais frapper, là, tu le frappes avant moi, avant que je me fasse, OK, défigurer, s'il te plaît. Je vais te payer avant loufoie d'animal intérêt principal. Vous êtes prêteur? OK. Vous êtes, vous voulez devenir mon ami? Oh, merci. Hey, on fait quelque chose ce soir. Il se passe des affaires, là. Êtes-vous conscient? Mais moi, je suis très, très, très, très peu lucide devant tout ce qui se passe, là. Mon temps est venu de devenir flou, de devenir fou, de devenir à vous, dans un état peut-être plus précaire que l'océan qui amène des vagues. Et qui divague jour et soir devant son présentoir en disant « C'est-tu croche ou si c'est droite? Si c'est droit, c'est pas beau. Si c'est croche, c'est parfait. » Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça, tout doit être droit dans notre société. S'il y a quelque chose qui cloche, on n'aime pas ça, on n'en veut pas, on le jette ou on l'exclut. On le place dans le château symbolique de la Franco. Non, c'est pas celle. Non, c'est pas maintenant. C'est vrai. Alors, qui décide de ce qui est beau? Là-dedans, il y a peut-être un petit peu de la réponse, hein? Il y a un petit peu de réponse là-dedans. La société, la généralité, c'est l'opinion générale qui fait que c'est beau, que c'est pas beau. Par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé de Céline Dion, j'en parle souvent. C'est beau pour plusieurs Céline Dion. Pour moi, non. Alors, je suis une minorité. Tom Waits, pour moi, c'est beau. C'est bien. C'est bon. Une question de goût, de choix. Et surtout, c'est une question d'endoctrinement. Est-ce que tu es facilement un être qui se fera enrôler dans des idéologies que l'on t'amènera dans ton existence? Quand tu écoutes la télévision... qu'on te dit, là, « Ah, j'ai-tu parce que c'est ça. » Tu dis, « Hey, c'est plus blanc que blanc, je peux pas acheter du noir, moi, là, là. » À la radio, quand on dit, « Fais ça, achète-là, mange-là. » On dit souvent, « Pour savoir s'il y a un restaurant est très intéressant, là, regarde s'il y a des gens à l'intérieur. » Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Regardez à l'endroit où on vend des hamburgers de clowns. Donald le clown, là, c'est toujours plein. C'est pas mangeable. Fiez-vous pas là-dessus. Ça vaut pas de la... Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Est-ce que le micro va me lâcher? Parce que sinon, moi, je vais abandonner le navire! Bienvenue à la douce narration. Moi, je suis comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, là, je continue. Puis quand ça ne fonctionne toujours pas, puis que je continue encore. Puis quand je continue encore, puis que je vois que ça ne fonctionne pas, je refais et refais et refais. Là, à un moment donné, je me dis, ouais, on va s'y prendre peut-être autrement pour en arriver à un objectif intéressant. C'est ça. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire. Et il vient de se dire des affaires tout à fait intellectuellement. Hein? C'est intellectuellement. Ouais, c'est ça. Mets ça à réchauffer. Micro-round, s'il vous plaît. Prenez ces mots-là, cette vision-là, puis placez-la là-dedans. Puis on va le faire réchauffer tout à l'heure. On va vous le présenter en reprise. On est fort, ces reprises. Non, c'est pas ici, non. C'est vrai. À la télé, beaucoup plus. Ouais, mais oui. La reprise et la télé, ce qui fait vivre la télévision, c'est pas les émissions, c'est la publicité. Bienvenue à la douce rénalité et à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Tif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, tant. Et voici le pitre qui change les chapitres. Pit, pit, pit. Non, non, les moulous, c'est put, put. Put, put, put. Ça fonctionne pas. Si tu dis put, c'est écrit pit. Brad Put. On demande Brad Put, le grand comédien Brad Put. Brad Put, êtes-vous là, monsieur? Oui. Est-ce que c'est vraiment Brad Pitt? Oui! Vous avez une voix étrange, monsieur. Oui! OK. À cette heure-là, là, vous changez pour être un... Oui! Ben oui, vous êtes un un travers, oui. Hey, voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénal Gagné. Attention, Facebook veut manipuler vos informations aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Et comme le mentionnait Jim Morrison... Vas-y, mon Jim. Jim. Hey. Reviens à nous. Jim, tu es là? Hey. OK, reviens. Tu es là? Hey. OK. Est-ce qu'il digère son 2h30, lui? Hey. OK. Attention. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renardien, C'est les choses que je vois passer, là. C'est l'émission la plus étrange à laquelle je sais de toute ma vie. Merci, monsieur. C'est Jim Morrison. Jim, tu es encore là? OK. Tu restes là jusqu'à la fin? Parce que t'es un vrai, toi. T'es dans ton bain? T'es mort, hein? Il est même pas mort dans son bain. Hey, c'est une supercherie! Il est mort dans un bar. Il est mort dans un bar, hein, qui part dans la mort, hein, avec ton le départ, la soignée de la mort. Encore par la part, la part, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alors, aujourd'hui, le vendredi 14 juin 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Amène ça le micro, hein, c'est... Rénal présente plusieurs... Non, c'est pas Rénal, c'est errance rénaldienne. Rénal, où il est? Il est parti prendre son Bovril. Oh, mon chou, pas de la publicité, non. Il est parti à l'asile. OK. Errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du journaliste, homme de radio et de télévision, Gilles Verlan. C'est aussi un écrivain. Un bibliothécaire. C'est pas un bibliothécaire, c'est celui qui fait des bibliographies. Gilles Verlan est un animateur de télévision, animateur de radio et journaliste belge, né le 11 juin 1957 à Bruxelles. Spécialiste de Gainsbourg et critique de rock, Gilles Verlan débute tôt dans le journalisme. Selon lui, il doit à ses parents son amour pour la bonne musique. Qu'est-ce que la bonne musique? Pour moi, la bonne musique, c'est toute la musique, c'est toute la musique qui rentre dans ma tête. C'est toute la musique qui ramène dans la main, c'est toute une musique qu'avec tous les filles en la main, de te dire avec le body. C'est une musique. Bah, qu'est-ce qu'une belle musique? C'est ce que la majorité des gens croient que c'est, là. Alors, selon M. Verlan, c'est Led Zeppelin, Deep Purple, David Bowie, et y compris Gainsbourg, son pote spirituel de 15 à 21 ans, Gilles Verlan, présente l'émission Tempo pour la RTBF, ça c'est la télé-radio belge. Tout en étant parallèlement journaliste de rock, ses connaissances le font recruter pour animer Rock Folie. Et mes double foyers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont calmés. Ben oui, je vois plus rien. Rock Folie. Puis Ligne Rock en 1981. 3 ans plus tard, il intègre la fine équipe de Nulle part ailleurs pour une saison de sketch avec Antoine Decaune, Peter Stuart et Carl Zero. Carl Zero qui a fait un livre sur le démanteleur de Montréal. En fait, le démanteleur du Québec, Reynald Gagné. Non, c'est pas lui. Non. Dans les années 90, il publie de nombreux ouvrages sur son fumeur de gitane préféré de Gainsbourg à Gainsbar. Gainsbourg du poinçonneur de lilas et participe à de multiples émissions sur le chanteur. Voix off pour les films et documentaires de Canal+. Je l'ai aussi entendu pendant les Victoires de la musique. Aujourd'hui, en 2012, il y avait du vent là-dedans. Ouf! Ça va faire du bien parce qu'il fait chaud ici ce soir. Errance Renadienne se trouverait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Non, c'est demain. La semaine prochaine, ce sera estival. Maintenant, c'est automnal. OK. Non, c'est printanière. Printanière, automnale, pas même chose, là. Été, automne, printemps, hiver. Là, c'est le printemps. Oui, alors place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant la zizi. C'est pas ça qu'il faut faire, je sais, c'est le générique. Le générique nous fait de l'œil. C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang. Puis dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la Est-ce que je peux aller faire pipi? Bah allez-y, mon cher monsieur, délivrez-vous. T'es sûr que ça ira pour le vent? Y'a aucun problème. D'accord, alors tout va bien. Et tout ça sert à capter le... D'accord. À l'origine, vous êtes de la nationalité belge? Ça tourne là? Oui. D'accord. Oui, je suis belge. Okay, voilà. Entre francophones. Oui, effectivement. On peut se saluer de manière transatlantique. Exactement. Et confraternelle. Eh bien, tout ça a été dit. Êtes-vous un journaliste à l'origine ou si j'ai un diplôme de journaliste. OK. J'ai fait des études de journalisme à Bruxelles, à l'Université de Bruxelles. Et donc j'ai un diplôme de journalisme et communication sociale, attention. Alors c'est plus sérieux là. Oui, c'est du sérieux. OK. Que j'ai obtenu, je pense, en... Je vais parler en belge en 79. Ah, ok, oui. Traduction, tu vois. Voilà. Et en fait, je pense que j'ai fait de temps en temps le métier de journaliste, mais j'ai trop de respect pour les vrais journalistes. Okay. Pour ceux qui couvrent l'actualité politique, l'actualité internationale, l'actualité économique, etc. Et je pense que je suis profondément un critique. Okay. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule et de donner mon avis. Vous êtes un observateur. Voilà, et donc, je pense que je serais plutôt, si j'étais journaliste, je pencherais plutôt du côté éditorialiste. Okay. Et j'ai trop de respect pour les vrais reporters, et surtout, évidemment, les grands reporters internationaux, etc., reporters de guerre, pour dire que je suis un journaliste. J'ai aussi trop de respect pour les écrivains, pour dire que je suis un écrivain. Okay. Ma définition, c'est que je suis un auteur. Voilà. Un auteur. Un auteur. Ok. Auteur. Critique aussi. Oui, mais en tant qu'auteur, dès le moment où je suis auteur, ça veut dire que je peux éventuellement mettre mon sens critique à profit et éventuellement mon style à profit, si tant est que j'en ai un. Et voilà. Donc, auteur, j'aime bien ce mot. Ok. Voilà. Et est-ce que vous avez amené à Paris, en France, c'est... Un coup de bol, comme on dit d'amour, en Belgique. D'amour, non? Non. Okay. Une histoire d'amitié, on va dire. Ok. Qui est née, enfin, qui s'est développée... à une vitesse stupéfiante avec un garçon qui s'appelle Antoine Decaune. Bon, je venais déjà à Paris régulièrement parce qu'après tout, entre Bruxelles et Paris, il y a 300 kilomètres, ouais. Donc je venais déjà à Paris régulièrement pour faire des interviews, faire des reportages pour la presse belge, et comme j'allais à Londres, comme j'allais ailleurs d'ailleurs, et puis je faisais de la télévision déjà en Belgique. Okay. Et un beau jour, Antoine Decaune, qui venait de... Qui, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'Antoine Decaune, que vous connaissez, évidemment. On a commencé notre carrière à la télévision ensemble. Okay. Ensemble, mais séparément. C'est-à-dire que lui, c'était en France et moi, c'était en Belgique. Okay. Mais c'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux en septembre 78. Okay. Enfin, moi, je faisais déjà de la télévision depuis là. C'est lui qui a fait Les Enfants du Rock, quoi. Ouais, mais c'était avant Les Enfants du Rock. Okay. En fait, moi, j'ai commencé à faire la télévision en 72. Okay. À l'âge de 15 ans. 15 ans. Dans un magazine pour adolescents où ils avaient besoin de gamins pour interviewer les gens, etc. Des artistes, des chanteurs, des groupes. Oui, pas forcément, même parfois des scientifiques, des historiens. C'était un magazine pour les ados. Okay. J'ai même fait des reportages dans des missions de l'UNICEF en Mauritanie, au Mexique, etc. C'était rigolo. Bref. Donc je fais déjà de la télé depuis longtemps. J'ai grandi dans des studios de télévision parce que mon père était réalisateur et producteur. Des émissions de télé. Et puis j'ai grandi dans des loges de théâtre aussi parce que mon père était comédien, metteur en scène au théâtre. Okay. Et je déteste le théâtre et j'aime beaucoup, beaucoup la télévision. Encore aujourd'hui, vous détestez le théâtre? Oui, je supporte pas. Pourquoi? Ça m'énerve. Enfin, non, c'est trop simplifié. C'est simplifié. Disons que de temps en temps, ça me fait plaisir d'aller voir une pièce de théâtre, mais la plupart des cas, je ne comprends pas pourquoi il y a une bande de mecs qui hurlent sur une scène alors qu'ils pourraient parler normalement. Voilà. Donc je sais pas, je trouve que c'est... Et puis, c'est loin de la réalité. J'ai trop vécu dans les coulisses des théâtres. C'est le côté « Oh chérie, tu es merveilleuse !» Le côté extravagant et peu réaliste. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, télévision, à partir... Alors, point commun entre Antoine Decaune et moi, à partir de 78, lui, il a une émission rock en France qui s'appelle Chorus. Okay. Oui. Avec des concerts live, il y a eu un coffret DVD que je vous recommande à tous, avec des concerts de Clash, etc., des Smiths, absolument formidable. De Magma aussi. Ok, oui. Pourquoi vous riez? Parce que c'est un running gag entre Antoine Decaune et moi. Parce que Antoine était super fan de Magma, du groupe de Christian Vander, oui. À tel point qu'il a écrit un livre sur Magma. Oui. Voilà. Moi, au même moment, j'écrivais un livre sur David Bowie. Voilà, ça a toujours été un gag entre lui et moi. Alors, qui est le meilleur des deux? C'est ça, Magma ou David Bowie? Ouais, voilà. Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Comme tu sais, Godard. Non, c'est, ouais, non c'est, Magma était un groupe très important en France. Oui. Ouais, ouais. Oh, oui. Et voilà. Donc, je rencontre Antoine Decaune. On commence nos carrières télé. Lui en France avec Chorus. Et puis les Enfants du Rock. Moi en Belgique avec des émissions qui s'appelaient Folies et Ligne Rock, etc. Et je fais des reportages, tout ça. Et puis un beau jour, en octobre 84, on a des amis communs. On ne se connaît pas, mais on a des amis communs. Et Antoine cherchait quelqu'un pour présenter un nouveau show à la télé sur une nouvelle chaîne qui se montait et qui allait s'appeler Canal+. Ok, ouais. Voilà. Et donc... ça bouillonnait à l'époque. Voilà. Et il avait un... À l'époque, il avait un complice qui s'appelait Jackie, qui était son complice dans Chorus et dans aux Enfants du Rock, dans Ouba Ouba, etc. Mais on ne le voit plus, Jackie. Alors, je vais vous expliquer. Okay. Et Jackie à un moment, lui, il a décidé, et il a eu raison du point de vue de sa carrière et du point de vue financier, de faire plutôt carrière aux côtés de Dorothée, voilà, de l'animatrice pour les enfants. Mm-hmm. Et donc, il a fait des années et des années, des milliers d'heures d'antenne avec Dorothée. Et il a très bien gagné sa vie, mais du coup, il a laissé tomber Antoine. C'est coup de chance pour moi, puisque du coup, j'ai pu prendre la place. Okay. Parce qu'Antoine avait besoin d'un faire-valoir, d'une tête de Turc. Okay. Voilà. Comme Dean Martin, puis... C'est ça, ouais, avec Jerry Lewis. C'est ça, avec Jerry Lewis. Okay. Mais à moi, il drôle. Ah, plus sérieux. C'est-à-dire que j'étais à la fois le bouffon et le mec qui donnait des informations sérieuses sur le rock, aux côtés d'Antoine. Okay. Cela dit, l'émission qu'on a faite sur Canal+ n'a pas duré longtemps, mais enfin, ça a créé des liens d'amitié. Ça s'est arrêté en mars 85, donc à peine 6 mois. Mais ça a créé des liens. Après ça, on a retravaillé ensemble sur des émissions comme Rock Report et, et après ça, Rapido. Rapido. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la chanson, à la musique, aux chansons françaises? Je suis tombé dedans très petit, parce que mes parents écoutaient beaucoup de chansons françaises. C'est-à-dire qu'à la maison, il y avait des disques, il y avait tout Georges Brassens, il y avait Jacques Brel, il y avait Léo Ferré, il y avait des disques de Gainsbourg, il y avait des disques des Beatles, etc. Et donc voilà, je suis tombé là-dedans, il y avait des disques de jazz, parce que ma mère adorait le jazz, elle avait même été chanteuse de jazz amateur dans les années... la fin des années 30, début des années 40, parce qu'elle était née en 1919. Et donc, il y avait beaucoup de musique à la maison. Voilà. Vous avez fait le chanteur, vous avez repris une chanson de Brassens. Oh oui, mais alors ça, c'est un accident. OK. c'est récent? Est-ce que c'est assez récent? Oui, c'est un copain qui s'appelle... C'est quoi? C'est le truc de vaut rien à la fin quand on est con, on est con. Oui, le temps ne fait rien à la fin. Oui, c'est ça. C'est un copain qui s'appelle Victor Hublot. Oui. Vous connaissez les Residents en Californie? C'est l'équivalent des Residents à lui tout seul en Belgique. À lui tout seul? À lui tout seul. Non, je crois qu'il a été traumatisé par les Residents. Et tous ses disques... D'une manière positive. Oui, oui. Et tous ses disques se ressemblent de l'influence Residents. Et donc, dans un... Vous avez passé sur France Inter en passant la semaine dernière. On a entendu votre chanson. Ah bon? Ben oui. Oh mon Dieu. Oui. C'est pour ça que je vous en parle. Pauvres auditeurs. Non, ça a été... Mais je me suis intéressé parce que j'allais vous rencontrer. Alors donc, je me suis dit, je vais lui glisser un peu l'information. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai enregistré ça il y a 2 ans maintenant. Et on a fait ça en 2 prises et c'était rigolo. Il m'avait demandé de faire ça. Il avait plusieurs invités. Mais c'est des synthétiseurs, hein? Oui, voilà, il travaille... Oui, c'est ça. C'est essentiellement des synthétiseurs. OK. Et il a plein d'invités sur son disque. Il y a Jacques Duval, il y a le regretté Jeff Bodard. Oui. Enfin, il y avait plein de gens. Et puis, c'était trop cool de m'inviter. Oui, mais fait jouer au chanteur. Et je vous rassure, tout de suite, je n'ai pas gagné un euro. Un euro. OK. Et ce n'était pas le but de l'opération. Et est-ce qu'il y aura un autre album? Des spectacles, le Végétarien. Non, mais s'il me redemande de chanter sur un tribute à Brassens ou à Gainsbourg, je le ferai, bien sûr. Mais vous parliez de Gainsbourg. Vous avez rencontré, vous êtes le biographe officiel de Serge Gainsbourg. Oui, oui, on va dire. Et vous l'avez... Non, je suis pas... Non, mais... Quand on dit biographe officiel, c'est une formule qui a été inventée par les journalistes, parce qu'il n'y a jamais eu un mot signé Serge Gainsbourg en disant « je sous-signe Gainsbourg, Serge ». Mais quelque chose d'intéressant, il faut souligner, c'est que vous le connaissiez avant sa mort. Ah oui, bien sûr. Il y en a plusieurs qui s'improvisent biographes, ils ne l'ont jamais rencontré. Oui. Vous avez eu la chance de vivre avec, de voir sa carrière, de le rencontrer à plusieurs reprises. Alors déjà, j'ai été fan depuis très très longtemps, depuis les années 70. Et j'étais super fan en particulier d'un, de Le Matin de Chou, qui était un album 76, en décembre 76, et qui correspond exactement à l'esprit punk de l'époque. Là, c'est pas un album punk dans la forme, dans mais le contenu, l'histoire d'un mec qui devient cinglé et qui défonce le crâne de sa gonzesse, infidèle, à coup d'extincteur avant de la noyer sous un truc de neige carbonique. Pour éteindre le feu au cul de Marie-Lou, un soir, n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel décroché de son clou l'extincteur d'incendie. Cylindre, je frappe, paf, et Marie-Lou se met à geindre. De son crâne fendu s'échappe un sang vermeil, identique au rouge sanglant de l'appareil. Et là, sur le lino, un dernier soubresaut, une ultime secousse. J'appuie sur la manette, le corps de Marie-Lou disparaît sous la mousse. Je chute comme j'observe l'amour me passer près. Elle brillait comme une comète dans le ciel. Je chute comme j'observe l'amour me passer près, glissement sur le nuage. Je marche sur le chemin de fer à l'aube, le soleil rouge fait une ombre où je reste. Dans l'herbe, toutes les cigales jouent sa chanson, vibration stéréo. Zeppelin tombait toujours. Zeppelin tombait toujours. Thank you. amour fondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Powell's, me vint une vision dans l'eau de cells. Shows, baby. Il s'en passe des affaires extraordinaires à mon émission. Merci! Merci à qui? Merci à moi. Je me remercie infiniment. Lego Sciateur, c'est pas Claude Moirier. Non. Hey, ça va tomber entre deux chaises. Là. Hey, si ça tombe, attends un peu. Là. Si l'hécatombe tombe, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a plus de chaise. Tout est ensemble. Ensemble de vous recevoir. Non, c'est même pas visible à l'œil nu, là. C'est du rien devant rien. C'est de la rien à rien, mais il n'y a rien. Rien à rien. Arrête, paf. C'est mon imitation d'Edith Paf. Ben oui, on l'a connu, on l'a reconnu, puis on veut pas le savoir. Mais vous venez de... Oui, merci. Bravo. Nous sommes des nôtres. On a reconnu Piaf comme les autres. Et tranquillement, je rentre le CD de Lulu Gainsbourg dans sa pochette, puisque ça m'a coûté un bras. pour me le procurer, puisqu'il y a le... C'est le quoi? C'est Lulu Gainsbourg et le DVDs. L'histoire de l'album. On n'a rien compris. Mais il y a un DVD! OK? Avec... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ben, il y a celle-là, là. Et à l'intérieur du DVD, du CD, il y a le DVD qui raconte l'histoire de cet album-là. Ça, là, c'est pour que les gens achètent et ne téléchargent pas. Moi, je ne télécharge pas. Non, jamais je télécharge, moi. Je décharge, mais je ne télécharge pas. OK. Je te le dis, mon cher Monseigneur. Aïe, c'est moi! Ben oui, c'est toi. C'est vous. Ah, c'est Monseigneur. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Monsieur, est-ce vous? Aïe, c'est moi! Ça fait mal d'être nous, hein? Sans doute d'être soi. Soi? Aïe, c'est moi! Ah oui, c'est lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait mal, ça fait mal. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Comment ça, c'est croche? C'est pas croche, c'est à l'envers. Il y a une différence à être croche puis à l'envers. Par exemple, ma tête est croche, mais pas à l'envers. Mes deux yeux sont en haut, mon nez est dans le milieu, ma bouche est en bas. Si c'est à l'envers, ma bouche serait en haut, mon nez dans le milieu, puis... Quoique, c'est comme ça. Hein? Détournons... Non, on veut pas détourner, on veut dire le truc de Bukowski. On l'a fait, on l'a fait. OK, excusez-moi, j'étais dans l'embarras du choix. Détournons... Comment on peut détourner? On sait même pas ce qu'est... OK, on improvise. Détournons... Le public ne l'a même pas senti. Ben c'est comme une zone de turbulence dans un avion, là. Quand tu es en train de parler à quelqu'un ou de la charmer, tu sens rien, là. Hein? Ça brasse, ça va bien, là, dit. Il me semble qu'il se passe quelque chose. Ben non, non, c'est notre discussion qui est totalement... enchantée, enfumée... Ah non, non, moi, il se passe rien de mon côté, je te parle, mais c'est comme si je parlerais peut-être à une bouche d'égout. Mais tous les dégouts sont dans la nature. On l'a fait la semaine dernière, mais il me semble qu'on pique. On pique pas. Ben oui, mais t'as... Non. Détournons encore une fois la réalité. Survolons la déraison et l'incohérence comme seul votre déboucheur de paradoxe sait le faire. Décollons, détachons-nous. On l'a dit deux fois, détacher. Un peu détaché, détaché, détaché, détaché, détaché, détaché, non. Détacolos, décali, décali, décali, décolons, décali. La décalcomanie. Décollons, détachons-nous de tout principe de cohérence avec cette inspiration novatrice. Mais ce n'est pas une inspiration novatrice, c'est une réflexion. Et c'est celle-ci, excusez-moi, je suis allé la chercher très loin, là, ça vient de loin, là. Tu l'as placée loin, là. Aïe, c'est moi! Ben oui, c'est toi, c'est vous! Allez! Aïe, c'est moi! OK. Alors, c'est... Tout est une question de survie. Pour certaines personnes, tout est une question de survie. Et c'est pas faux, c'est pas fou. Le quotidien est une survie. Surtout, la compréhension de ce qui va se passer après, c'est une question de survie. Même pour plusieurs. Plusieurs, c'est... Non, non, non, non. Attention. Quand tu dis plusieurs, c'est la majorité. Alors, il faut peut-être minimiser le plusieurs. Pour certains. Alors, on vous l'accorde, monsieur, certains. On demande au titulaire, au jury, est-ce qu'on lui accorde? On l'accorde. OK, on l'accorde. On accorde qui? On l'accorde. OK, on l'accorde avec, avec qui? On l'accorde. Avec la corde. La corde rouge. Moi, je dis, la corde jaune, là, c'est pour les bateaux. Ouais, les bateaux, c'est des bateaux sans vos ballons. Ou des petites goélettes. Des bateaux sans vos ballons. Fring, fring, fring. Pouf, pouf. Les bateaux, c'est pas pour les bateaux, là. C'est des gros bateaux, là. On a des gros trucs à mettre dans les gros bateaux. Les petits bateaux, c'était de plaisance, le bronzage. Ah, oh, le soleil nu! Au soleil complètement nu! Au soleil, c'est Brigitte. Brigitte, sors de ce corps! On l'accorde. Est-ce qu'on peut désaccorder la... On la désaccorde. Merci, vous me réconférez, vous. Ah oui, on l'accorde aussi. La vie, c'est ça. Hein? La vie, c'est tout. C'est... On peut laisser tout aller. On l'accorde. Oh. L'émission de 1 à 10, là, on l'accorde à 20. Oh. De 1 à 10, c'est 20. Bon. Le reste, vois-tu une vision globale des rances rénaldiennes? On l'accorde. On va vivre ainsi soit-il maintenant et toujours pour des siècles et des siècles. Amen. Annie aime les sucettes à l'Annie d'Annie, donne à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'ange parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis pour quelques pénis. Annie, assez sucette à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes à l'Annie d'Annie. Donne à ses baisers un goût anisé quand elle n'a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pénis. Annie, elle s'est sucette à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Alors même que trois mois plus tôt, en août 76, j'ai vu les Sex Pistols. À la rentrée 76, j'achète fiévreusement les premiers 45 tours de Eddie and the Hot Rods, qui étaient considérés comme punk, mais qui n'étaient pas vraiment, peu importe, les Damned, The Damned, avec Brian James, et puis le premier 45 tours Anarchy in the UK des Sex Pistols. Je suis à fond dans le punk, j'écoute les Ramones en boucle, le premier album était sorti peu de temps avant, Patti Smith évidemment depuis un moment. Donc je suis à fond là-dedans et Gainsbourg, que j'aimais déjà beaucoup, sort un album extraordinaire. À l'époque, Gainsbourg vend 12 000 albums. Très peu. Voilà. Et donc, je suis super fan du mec. Et puis après ça, en 79, après ça, ils ont une grosse merde qui s'appelle Six Sex and Son. C'est une chanson, c'est pas un album. Donc, oui, bien sûr. C'est une chanson pour l'été. Donc, oui, mais en même temps, c'était très drôle. C'était disco, c'est pour rigoler. Aussi, du disco, c'est un pied de nez au disco. Oui, un pied de nez. Et puis une envie d'avoir du succès. Tu l'écoutes, puis ça a encore bien vieilli. C'est rigolo, on prend ça au deuxième degré. Ah non, il faut surtout pas considérer ça comme une œuvre majeure. Et après ça, en 79, il sort cet album reggae. Alors là, ça c'est foudroyant. Et quand j'apprends que. Aux armes, etc. Ouais. Quand j'apprends, avec tout le débat, avec tout le scandale, machin. Et quelle sorte de scandale Le scandale autour de la Marseillaise. Ok, oui, aux armes, etc. Oui, les éditorialistes du Figaro Magazine, etc., qui poussent, et de Minute, et des journaux d'extrême droite, qui poussent des cris horrifiés, mm-hmm. parce que le juif Gainsbourg, entouré de Jamaïcains, donc de nègres, ont osé mettre leurs sales pattes sur l'hymne national français. Oui, il est touchable. Et là, nous vous parlons, mesdames et messieurs, à quelques jours du 14 juillet. Oui, 8 jours, je vois. Et donc voilà, j'envoie rapidement un texto. Nous faisons un montage, mon cher. Voilà, c'est parce que mon fils a réussi son bac aujourd'hui. Alors je reçois des messages. Ah, bravo, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, enfin. Avec mention. Non, malheureusement. Ok, nous en reparlerons. Il l'a, c'est ça. C'est plus important. Donc, Gainsbourg sort cet album reggae. Et j'apprends qu'il va donner des. Ah, qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, un allongé. Mais si, il n'y a pas de problème. Alors, un allongé et un double. Merci. Gainsbourg sort cet album reggae qui est absolument foudroyant, qui tout à coup fait de lui une star. Il se met à vendre des centaines de milliers de disques, ce qui ne lui était absolument jamais arrivé dans sa vie. Et voilà Tipa que il annonce qu'il va donner des concerts à Paris, au Palace, oui. Entouré de ses musiciens jamaïcains, qui est quand même, c'était le band de Peter Tosh à l'époque. Oui, et a priori, les choristes de Bob Marley qui étaient sur l'album, mais en fait, ce sont d'autres choristes, des Anglaises qui l'accompagneront sur scène à Paris, peu importe. Quand j'apprends ça, je suis organisateur de concerts en même temps que journaliste et même animateur télé en Belgique. Et donc, quand j'apprends ça, je fais des pieds et des mains. Gainsbourg doit venir chanter à Bruxelles. Et donc ma première rencontre avec Gainsbourg, c'est ça, c'est dans les coulisses du Cirque Royal à Bruxelles. Le concert est un triomphe, c'est-à-dire qu'il fait plus de monde à Bruxelles proportionnellement qu'il n'en a fait à Paris, parce qu'il fait deux fois 2200 personnes dans une salle prestigieuse, le même soir en plus. Il donne un concert à 19h, un concert à 21h. Le bonhomme était en forme, hein? Le chanteur était en forme. Et c'était le lendemain du fameux concert annulé à Strasbourg. Oui. Par des militaires. Les militaires avaient... Ouais, c'est ça, ouais. Avec des alertes à la bombe, les parachutistes. Et ce qui est le plus drôle, c'est que quand je rencontre Gainsbourg, je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé la veille. Je l'apprends le soir même. Je le rencontre, je le croise dans les loges, et puis il monte sur scène, et je dois dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Quand il est monté la révélation. Ah oui, c'est vraiment... Enfin, je savais que je l'adorais, mais me dire, putain, c'est Gainsbourg, c'est mon héros. J'avais deux héros quand j'étais adolescent, c'était David Bowie et Gainsbourg. C'est mon héros. C'est moi qui produis le concert. J'ai fait deux concerts au lieu d'un, tellement ça a du succès. Les deux salles sont blindées. Je gagne plein de sous ce soir parce que j'étais producteur. La cagnotte commence à sonner. Plein de moula. Oui, c'est ça, de l'argent. Du bel argent. Et puis surtout, Gainsbourg, impérial. Qui arrive sur scène avec ses lunettes noires, avec sa clope, etc. Oh, et les musiciens Rasta d'ailleurs, qui était super fan de reggae. Donc vraiment, bonheur total. Donc, peu après, et alors, il paraît, le Philippe Lorichum, le producteur de Gainsbourg, m'a raconté un souvenir, j'avais oublié, c'est que dans les loges, quand j'ai croisé Gainsbourg, en fait, j'apportais un sac de ganja pour les musiciens Rasta. Et j'étais là comme un con avec mon petit sac, okay. En train de demander à Philippe Lorichum, alors que Gainsbourg passait, à qui est-ce que je donne ça. Oui, discrètement quand même. Bah, producteur de spectacle, mais bien élevé, j'apportais des munitions. Ah oui, il faut bien allumer un peu les musiciens. Et donc, grand moment de ma vie. Et puis, 3 mois plus tard, j'interviewe Gainsbourg pour la première fois, rue de Verneuil. Jane est encore là. Donc je croise Jane et Charlotte qui a... C'est son hôtel particulier. Oui, sa petite maison plutôt. Okay. Il a toujours dit hôtel particulier, mais c'est une toute petite maison. Oui, mais c'est l'image aussi que l'on s'en fait. Le mythe. Le mythe, exactement. Il a bien entretenu son mythe. Oui, c'est un personnage. Et son mythe n'est pas mythé du tout. Non, pas du tout, et il n'a pas vieilli. Non, c'est dingue. Ouais. Et son mythe continue à séduire les jeunes générations. Mais pas juste des francophones, c'est ça qui est merveilleux. Là, je suis comme John Zorn, qui a travaillé, qui fait de la musique actuelle, John Zorn a fait un hommage à Gainsbourg. Parmi tant, il y a Beck, il y a le gars de Placebo, il y en a plein maintenant. Il y a Jarvis Cocker qui est fan de... Il y a Rufus Wainwright qui est fan de Gainsbourg. Tout le monde est fan de Gainsbourg. Ça, c'est à l'international, c'est magnifique. Mais, par exemple, moi, je suis en contact via Facebook, par exemple, ou par mail avec... parce que je suis facile à trouver. Google me and you'll find me. Yeah. Et et je suis en contact avec plein de fans. Et là, par exemple, je suis en contact avec une petite gonzesse qui vit en Ukraine, qui se surnomme Mélodie Nelson, comme par hasard. Elle a 19 ans, c'est une petite bombe. Une petite bombe de beauté. Elle est totalement dans le trip Gainsbourg. Donc, elle est née après la mort de Serge. Oui. Ses parents l'écoutaient sans doute. Voilà. Le mythe Gainsbourg continue à influencer. C'est-à-dire que les gamins d'aujourd'hui se reconnaissent dans ce bonhomme. Alors j'espère qu'ils ne vont pas suivre son parcours au niveau de l'alcoolisme et du tabagisme. Ouais, ouais. Mais en attendant, ce qui est merveilleux, c'est que les gamins ont envie d'écouter ses chansons, s'identifient au personnage, trouvent que son attitude dans la vie, son chef-d'œuvre, c'est sa vie. Ouais. À part le fait qu'il s'est autodétruit, mais son chef-d'œuvre, c'est sa vie au sens de l'attitude qu'il avait. De cette espèce de sincérité. Parfois, il lui arrivait de faire des compromis, mais c'était toujours en mettant un grain de sel, c'était toujours en jouant son propre jeu, son propre... il avait une sorte de... Il détournait avec un talent extraordinaire les attentes des gens. C'est-à-dire que on lui demandait de faire des chansons sucrées pour France Gall, et il faisait des chansons sucrées mais avec une bonne dose d'acide quand même dedans. Oui, la perversion. Voilà, on lui demandait de faire des chansons pour Brigitte Bardot, et au lieu de faire des trucs qui la praloge comme la Madrague il lui faisait des chansons comme Harley Davidson ou Je t'aime moi non plus. Voilà, chaque fois il fallait que sa personnalité ressorte et que cette personnalité là est tellement attachante parce qu'elle ne joue pas le jeu. Non. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il ne jouait pas le jeu. L'intégrité. Mais qu'est-ce que vous attirez vers Gainsbourg? C'est son côté provocateur, c'est son côté. Moi, je fais partie de la génération qui a grandi dans les années 70 en voyant Gainsbourg à la télévision. Et Gainsbourg à la télé, ça voulait dire voir un mec qui arrivait pas rasé, en train de fumer sa clope. Il faisait son playback à côté parce qu'il en avait rien à foutre. Il répondait en murmurant et en parlant lentement, etc., en se foutant de la gueule des intervieweurs, tout en sachant que c'était vachement important pour lui de se montrer à la télévision. Il se montrait avec cette gonzesse somptueuse qui s'appelle Jane Birkin. Et donc c'était quand même très sulfureux parce qu'il avait plus de 20 ans de plus Merci. Qu'elle. Merci beaucoup. C'était dans la presse La Belle et la Bête, etc. On croyait que c'était lui le Pygmalion de Jane, sans se douter que Jane était la Pygmalion de Serge, et ô combien c'était un couple qui était amoureux, c'était un couple qui était sulfureux. Ils n'étaient pas mariés, ils avaient un enfant en dehors des liens sacrés du mariage. Ils chantaient Je t'aime moi non plus, qui était Ils s'occupaient aussi de l'enfant de Jane qui n'était pas son enfant. C'était très provocateur. Et tranquillement, vous vous êtes aussi intéressé à d'autres sortes de musique, à d'autres styles, puisque il n'y a pas si longtemps, vous étiez à System Disc, sur France Inter, et on vous invitait quelques fois par semaine pour critiquer les nouvelles sorties musicales. Oui, c'était sympa, ça. Oui. Malheureusement, ça n'a pas duré.

heureusement que ça n'a pas duré. Mais ça me permettait de refaire mon... de refaire un métier que j'avais pratiquement oublié, c'est rock critique. Mm-hmm. Oui. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, ça se limite. Je continue à faire de la radio, je continue à faire de la télévision, mais on m'emploie plus pour mes côtés rock critique. Alors, de temps en temps, je poste un truc sur Facebook. Ok. Mais généralement, je ne poste que des trucs que j'aime bien, donc ça ne me permet pas de faire étalage de ma verve éventuelle. Mais vous étiez aussi, il y a quelques années, la voix des remises de prix de disques. Les victoires de la musique, oui. Exact, les victoires. Donc c'est vous qui agrémentiez. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que c'est un boulot que j'aimais bien. Je continue à travailler pour les victoires de la musique, pour le programme chaque année. En réalité, c'est j'aime bien faire ça. D'une part parce que je trouve que c'est un, je ne sais pas, peut-être à l'instar des, comment ça s'appelle encore à Montréal, les... L'ADISC. Oui. L'ADISC. Oui. Les remises de prix de musique. Oui. L'ADISC. L'ADISC. Oui. ADISC. ADISC, d'accord. Mais l'ADISC. Ça n'a pas un nom spécial. C'est l'ADISC. D'accord. Non, mais le... Non, il n'y a pas de nom. Ah bon, d'accord, d'accord. Ah oh, oui, oui, oui, ben oui, des Félix. Oui, c'est ça. Ben oui, Félix Leclerc, des Félix. Ben oui, ben, c'est oui. Ça. Donc voilà, je pense qu'à l'instar des Félix à Montréal, c'est les victoires sont intéressantes, légitimes, controversées, donc c'est qu'elles ont une vraie signification. C'est-à-dire qu'elles permettent en tout cas chaque année de faire le plus grand concert live de l'année à l'antenne pendant 2h, 3h. On voit des artistes qu'on ne voit jamais en prime time ou qu'on voit rarement en prime time. Donc voilà. Donc il y a quand même, c'est une bonne émission, donc je suis assez content de collaborer, même de manière très modeste. C'est un bon spectacle de divertissement. Oui. Comment? Mais il n'y a pas assez de musique à la télévision. Moi qui ai toujours parlé de musique à la télé, quand j'ai commencé en faisant, enfin, quand j'ai eu mon show de rock hebdomadaire à partir de 78, enfin je veux dire, à l'époque, il était encore possible d'avoir des émissions de rock à la télé. Oui. Alors, des émissions de rock créative, avec des concerts live, avec des interviews, avec... pas uniquement des clips enchaînés et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'émissions de variété pour la chanson en général. Des émissions de rock, on n'en parle même plus. Je veux dire, il y en a, mais c'est saupoudré par-ci par-là, etc. Quand il y a une bonne grosse émission comme ça, je suis assez content. Mais il y avait une certaine époque, si on enlève le rock, la chance aux chansons qui a duré des années et des années et qui mettait en scène des chanteuses et des chanteurs que l'on voyait plus. Qu'on croyait mort. Oui, mais que l'on voyait plus. Donc c'est un retour pour non, plusieurs. Oui, mais enfin, il y a encore des émissions. Il y a Taratata, évidemment. Ah, ça n'a rien à voir. On ne verra pas des ancêtres. Oui, oui, oui. Non, c'est... il y a Shabada aussi, hein, de Daniela Lombroso. Enfin, il manque quelque chose, là, dans l'univers, dans le paysage audiovisuel français. Mais allez-vous proposer quelque chose? Avez-vous une vision? Non, j'ai proposé 1000 fois, et je suis fatigué. Donc là, maintenant, que ce soit pour la télévision ou la radio, surtout la télévision, j'attends qu'on vienne me chercher. Si on a besoin de moi, je suis prêt. Enfin, si je suis compétent pour ce qu'on me demande, évidemment. Ouais. Mais faire des propositions, je suis indépendant depuis toujours. Depuis que j'ai décroché mon diplôme en 1979, on est en 2012, j'ai toujours été indépendant. Okay. Donc ça fait 43 ans. Non, qu'est-ce que je raconte, 33 ans quand même. Oui, c'est, ouais. Nous ne sommes pas si vieux. Ça fait 33 ans. Et donc, 79, 2012, ça fait 33 ans. Oh, oui. Ça fait 33 ans que je suis indépendant. Et donc en tant qu'indépendant, il a fallu que je me vende. Il a fallu que j'aille proposer des trucs, des articles dans des journaux, des émissions de radio, dans des stations, etc. Et puis il y a un moment où on est fatigué, puis il y a un moment aussi où on peut bénéficier d'un truc, c'est qu'on est devenu vieux, donc ça fait longtemps qu'on est là, donc ça fait longtemps qu'on rôde, et finalement on vous connaît un petit peu. Et donc à ce moment-là, on peut espérer qu'on se souvienne de vous et qu'on vous appelle. Ok, pour vous dire, hey, là il y a quelque chose. Ouais. Mais j'ai entendu il y a quelques années à la mort d'Alain Bachung, et c'était touchant de voir, comment dire, l'hommage que vous lui rendiez à Bachung. Quand on a fait Taratata. Oui, exactement. Les portraits de Taratata, oui. Ouais. Alors, il y a des portraits comme ça qui... J'ai adoré faire les portraits de Taratata pendant... On voit Taratata à Montréal? Oui. Non, à Québec aussi, c'est sur TV5. C'est sur TV5, ouais. D'accord. Oui, à Québec, pardon. Oui, mais peu importe. Bon alors, je lance un appel. Quand est-ce que vous m'invitez à Montréal, à Québec, partout? Oui, partout. Dans le Canada francophone? Le Québec. Le Québec, oui. Voilà. Quand est-ce que vous m'invitez au Québec? Oui. Je serais tellement heureux de découvrir... Vous pourriez parler de Félix Leclerc? Absolument pas, mais je n'oserais pas. Oui, je n'oserais pas. Mais si vous m'invitez pour parler de Bachot, pour parler de Gainsbourg, n'importe quoi... Ben, vos livres sont disponibles. Je serais ravi. Mais vos livres sont disponibles. Rendez-vous compte que je n'ai jamais visité Québec, Montréal. C'était incompréhensible. C'était incompréhensible, voilà. Je dirais même c'est honteux. C'est honteux, c'est à 6h30 aller et 6h retour. Voilà, oui, je sais, oui. Bachung, pour venir à Bachung. Enfin, je ne sais pas si jamais ça intéresse quelqu'un. Oui. Je suis disponible. Il n'y a aucun problème, mais vos livres sont disponibles au Québec. Ah oui, la Brique Gainsbourg. Ouais. Et vous êtes rendu à la deuxième édition. Il a été réimprimé 12 ou 13 fois maintenant déjà. OK. Ouais. Avez-vous retravaillé la fin avec Bambou lorsque je me suis procuré la première édition? Vous en parliez très peu. Non, d'abord il y a... Le dossier Bambou est un dossier sensible parce que j'adore cette femme. Okay. Et que j'ai le plus grand respect pour elle. Et que j'ai le plus grand respect et vraiment beaucoup de tendresse pour Lulu. Il se fait que Bambou, elle en est parfaitement consciente, elle en a parlé dans des interviews, elle ne peut pas rivaliser avec Jane Birkin. C'est-à-dire que Bambou n'est pas une artiste, n'est pas une actrice, elle a fait un disque, mais ce n'est pas une chanteuse. Ce n'est pas quelqu'un qui peut dire « j'ai eu auprès de Serge le même rôle que Jane ». En plus de ça, elle l'a connue dans une période où Serge était très mal, elle-même n'était pas bien. Non. Je veux dire, ils se sont soutenus physiquement et moralement, mutuellement, en des temps vraiment très très durs. Et donc, en plus de ça, je crois qu'elle a enduré beaucoup de choses avec Serge. Serge a enduré beaucoup de choses avec elle. Ils ont quand même réussi un truc magnifique, c'est de faire un enfant. Elle a élevé Lulu dans l'amour et dans le respect de son père. Alors Lulu a fait un album récemment. Incroyable. Oui, que j'adore. Oui, moi j'aime bien. Il y a ça. Ouais. Les trucs manouches, là, c'est bon. Vous êtes mitigé. Oui, je suis mitigé dans le sens où j'essaie d'analyser un petit peu la psychologie du projet. Mm-hmm. Et je comprends que Lulu ait eu envie de rendre hommage à son père. Et que c'est une manière pour lui peut-être d'achever le deuil. Parce qu'après tout, son père, il ne l'a pas connu, ou à peine. Mm. Je veux dire, il a 3 photos et 3 images qui bougent avec son père. Qu'on l'a vu sur scène. Voilà, ouais. Mais ça veut dire quoi? Je veux dire, il avait 5 ans quand son papa est mort. Mm. Donc, il ne l'a pas connu. Il doit avoir des souvenirs qui sont plus des souvenirs reconstitués que des souvenirs véritables. Et donc, et en même temps, ça doit être écrasant d'être le fils à Gainsbourg. Encore aujourd'hui, hein? Mais oui. Mm. Ça doit être écrasant. C'est comme pour ça qu'il est parti vivre aux États-Unis, hein? Oui, bien sûr. Pour ça a fait partie. Prêt, oui. Et comme ça a dû être écrasant pour Charlotte, et Charlotte a eu ce réflexe inouï. Elle s'est débrouillée très bien, Charlotte. Mais en plus, Charlotte a quand même connu son père jusqu'à l'âge. Ouais. Je veux dire, c'est très jeune. Elle a malheureusement 20 ans quand meurt son père. Mm. Même pas. Elle a 19 ans et 9 mois et 8 mois. Enfin, elle a quand même connu son père. Et à l'adolescence, elle a déjà eu ce réflexe extraordinaire de dire « Bon, ok, je suis la fille de Jane Birkin, je suis la fille de Serge Gainsbourg, mais là, vous allez m'inscrire en pension. Je vais en Suisse, je me casse, hein, je veux grandir à mon rythme. » Et donc, elle a été pendant 2 ou 3 ans en pension en Suisse pour s'éloigner. Ouais. Mm. Et pour se trouver elle-même. Mm. Et elle s'est tellement magnifiquement trouvée qu'elle mène une carrière extraordinaire. Incroyable, à sa façon. Ouais. Sans ressembler à son père. Et en même temps, en vivant avec le nom. Oui, en vivant avec le nom. Oui, ouais. Oui, mais avec la liberté qu'elle peut avoir. Ouais. Donc c'est le parcours de Charlotte est formidable. Ouais. Et donc Lulu, je pense qu'il a été mal conseillé pour cet album. C'est-à-dire que c'était bien de faire le deuil de son père. Fallait-il faire un album entier? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt faire un album de composition personnelle et une reprise? Ouais. Peut-être que le prochain sera... Oui, mais là, il est trop tard, celui-là. Il est fait. Il est fait et puis il n'a pas marché. Guy Pop qui reprend une chanson. Oui. Ah, c'est bon, c'est excellent. Ça... Oui, ouais, c'est drôle. Hein. C'est drôle dans le sens de... Je l'avais déjà entendu il y a 2 ans. Le producteur d'Iggy Pop, Alain Lahana, m'avait fait écouter « J'avoue, j'en ai bavé, pas vu » avec sa voix de crooner. Avez-vous aimé? Ah oui, je trouve ça bien, ouais. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. C'est Mirza qui se cache derrière tout ça. Pourquoi pas? Qui est Ed l'épicier qui a tué Harry? Quel est l'âge du capitaine? Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui est Monsieur Meuble? Qui de la poule ou de l'œuf? Où va-t-on? Bien reviendra pas. Quelle heure est-il? Comment ça tient en l'air? Qu'est-ce qui va pas? Qui est? Quelle est la question? We'll be right back. buvait subtil du cannabis. Ses jambes et ses bras s'est refermé sur moi. Son corps m'arrache enfin les râles du plaisir et mon dernier soupir. Pas tout l'album, mais... Non, mais juste la section Iggy Pop, entre autres. Ouais. Et puis Manouche aussi, le petit orchestre Manouche. Ouais. Puis la musicalité aussi de M, de Mathieu Chédid, qui a mis un peu son petit grain. Son petit grain, comme d'habitude. Oui, mais ça donne un album à la fois très personnel, singulier, mais à la signature Gainsbourg. Oui, c'est... Ce qui est intéressant, c'est de voir, et j'en ai répertorié un maximum. Excusez-moi, chers auditeurs, nous étions distraits par l'apparition d'une voiture et le passage d'une somptueuse limousine. Ça, on ne vous en dira pas plus. Exact. Et qui sentait bon en plus. Oui. Malheureusement, vous n'avez pas la radio en odorama. Mais nous avons encore des effluves. Au Québec, il n'y a aucun problème, ça s'en vient bientôt. Il y a Bachoun qui a repris ma tête de chaud. En fait, sur scène. C'était une maquette, et cette maquette-là nous est disponible aujourd'hui. Après l'avoir écoutée, comment vous le percevez? Alors, je trouve que pour une maquette, c'est extraordinaire. Oui. Comment c'est abouti? J'ai vu le spectacle de Galota. Et c'est passé à Québec. Aussi? Oui. Eh bien, à tous ceux qui ont vu le spectacle, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Les critiques ont été très, très dures à Québec. Les critiques. Ah oui? On n'a pas apprécié. Ah bon? Non. Mais c'est-à-dire que je n'y connais strictement rien en danse moderne, mais juste, je trouvais que la voix de Bachoung, les arrangements qui étaient vraiment très astucieux, etc. La chorégraphie était très belle, mais je n'y connais rien en danse moderne, donc je laisse les critiques de chorégraphie. Mais si vous vous référez juste aux chansons, c'est quand même magistral. Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la mort de Gainsbourg en 91, on s'est demandé qui est-ce qui va prendre sa place. Qui est-ce qui peut prendre la place de Gainsbourg? Évidemment, tout le monde a dit Bachoung. Et qu'est-ce que Bachoung nous a fait derrière? Un triplé au ferré. Il a fait un triplé au ferré très sombre avec un album qui était suicidogène, dépressif, etc. C'est quand même très étrange qu'il ait eu ce triplé. Bon, après ça, il a relevé la tête avec le pétrole, mais... Il aurait pu être un Gainsbourg bis et c'est un piège qu'il a évité finalement. L'impudence, vous voulez parler de l'impudence. Oui, c'est ça. Quand il a sorti l'imprudence, c'était vraiment très Léo Ferré. Non, ouais. On était vraiment dans un... Mais extraordinaire en même temps. Oui, ça a donné les grands espaces, ça a donné... Oui, très bel album, très belle tournée derrière, etc. Mais voilà, donc en réalité, ce qui est très sain, c'est que Gainsbourg est mort et que personne n'a voulu prendre sa place. Et dans le même temps, tout le monde se réclame de lui. Et puis, Bachoung a eu, in extremis, cette espèce d'envie de mettre sa patte sur l'homme à tête de chou, alors qu'il savait déjà, Bachoung, qu'il était très malade. Ouais. Et donc, il enregistre cette maquette sert à un spectacle, l'album finit par sortir. Enfin, tout ça, c'est un enchaînement de trucs qui est très émouvant et magnifique. Et les reprises de Gainsbourg continuent à sortir à un rythme très régulier. J'ai sorti avec un garçon qui s'appelle Loïc Picot l'intégrale Gainsbourg, qui est le livre qui complète ma biographie, où on répertorie toutes les chansons chronologiquement par date de sortie, etc. Et pour chaque chanson, et pratiquement toutes les chansons de Gainsbourg ont fait l'objet de reprises, on fait la liste des reprises. Et depuis le moment qu'on a sorti ce bouquin, bouquin, c'est-à-dire en début 2011, et jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 50 reprises supplémentaires. Et que lors de la prochaine édition, vous allez remettre à jour, vous allez... Voilà, j'espère qu'il y aura une prochaine édition. Oui, ben, pourquoi pas. J'ai 10 questions, mon cher monsieur Verlin. D'accord, on y va. 10 questions de la fin, parce que vous êtes pressé. Non, si... ça va encore, là. Il est quelle heure? Vous m'avez dit 15h. 15h. Ouais, ça va. Au moins jusqu'à 15h, c'est bon. Le temps, il reste 15 minutes. C'est bon. Alors, c'est 10 questions, plus la dernière de 2000. Si vous étiez un liquide? Je serais une Creek Lambic, parce que ça, c'est mon côté belge. Je serais une bière à la cerise. Et c'est des grosses conneries ce que je vous dis si j'étais un liquide. Ok, alors c'est pas vrai, là. Non, je sais. Attendez, si j'étais un liquide... Ah, le genre de portrait chinois. Oui. Si j'étais un liquide. J'ai un rêve, c'est de changer de vie. Et comment vous allez faire? Alors, vous voulez pas en parler, c'est. Non, c'est attendez une seconde. C'est-à-dire que ce changement de vie. Je vais d'abord boire de l'eau. Oh oui, ben oui, ça paraît mieux à la radio. Ma femme et moi, on a travaillé, on a rêvé, on a mis sur pied, on a planifié un changement radical qui consiste à quitter Paris et aller s'installer en Provence. Okay. C'est pas aller au bout du monde, mais c'est aller en Provence. Et bon, il se fait que ma femme et moi, on est séparés pour l'instant et depuis un bon moment, mais... Il n'est pas impossible qu'on se remette à la colle, comme aurait dit Gainsbourg. Et donc, si j'étais un liquide, je crois que j'aimerais être les gouttes d'eau du goutte à goutte qui arrose le potager dans lequel j'aimerais faire pousser, comme je l'ai fait auparavant, des tomates, des aubergines. Oh, okay. Le retour à la terre. C'est le truc qui me vide le plus la tête. Moi qui travaille énormément, ouais, depuis tant d'années comme indépendant, et je me plains pas parce que si je travaille, c'est que les gens ont besoin de moi et que je gagne ma vie, et donc par rapport à tant d'autres, j'ai beaucoup de chance. Les seuls moments où j'oublie le travail, c'est quand je soigne mes tomates. C'est étrange parce que Iggy Pop aussi adore faire son jardin. Si vous étiez, puis on s'imagine mal quand tu vas voir Iggy Pop et les Stooges à l'Olympia, de le voir en train de regarder ses fleurs. Si vous étiez une ville. Ah, une ville? Oh mon Dieu, si j'étais une ville. Je crois que ma ville préférée au monde, c'est New York. Pourtant, j'y ai jamais vécu longtemps. Je veux dire, j'y ai passé des séjours, mais ma ville préférée au monde, c'est New York. L'énergie de cette ville est absolument radicale. Ça fait bientôt faire 30 ans que je vis à Paris, tout en détestant Paris. Ah oui, parce... Non, c'est-à-dire, je suis très partagé. C'est-à-dire que Paris m'exaspère, les Parisiens m'exaspèrent. Paris m'exaspère et en même temps, c'est ici que je fais carrière. Mmh. C'est ici qu'ils ont eu la gentillesse de m'accueillir et de me faire travailler et de considérer qu'en tant que Belge, que j'avais ma place à prendre. Et des impôts à donner. Sans me donner le droit de voter pour le président, pour les présidentielles ou législatives. Okay. Voilà. Mais bon, et donc ils sont pas trop d'honneur quand même. Ah, mais c'est quand même étrange. Ouais. Non, je pourrais prendre la nationalité française. Ok, vous l'avez pas. Non, je suis belge. Pourquoi? Mais parce que je suis belge, on voit pourquoi je devrais changer, ça va. Non, mais je suis européen, donc ils n'ont qu'à me donner le droit de vote, merde. Ça fait assez longtemps que je paye mes impôts en France. Donc, je crois que j'adore New York, je déteste Paris, et en même temps, j'ai encore des réflexes de touriste à Paris. Okay. C'est-à-dire que même si ça fait bientôt 30 ans que je vis ici, il m'arrive quotidiennement, quand je me balade dans Paris, tout à coup de lever le regard sur une façade, sur un monument, sur une... sur une parisienne. Et de me dire, ah, oh, putain. Que c'est beau Paris. Ouais. Est-ce que vous prenez j'adore Londres également. Est-ce que vous prenez le métro? Oui, très très souvent. Oui. Ok. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Si vous étiez une langue. Si j'étais une langue, je serais. Je serais la championne des galoches. Okay. Non, si j'étais une langue, je rendrais hommage à ma pauvre mère qui n'est plus de ce monde.